Alors, je commence par remercier les organisateurs et Anne-Madeleine, pardon, Goulet, qui m'a invité. J'emprunte mon titre à un compte-rendu du Mercure Galant, qui est relativement bien connu, qui a été publié en août 1703, et lequel fait l'éloge de la fameuse fête donnée à Châtenay chez Nicolas de Malézieux, qui était le précepteur et l'intendant du duc du Maine. On était donc en août 1703. Donc je vous lis le passage. Rien n'est plus ordinaire que de donner des fêtes, rien n'est plus rare que d'en donner d'agréables. La grande dépense et le fracas, loin de leur donner de l'agrément, les rendent souvent ennuyeuses, surtout lorsque la magnificence s'y trouve sans être accompagnée d'une certaine nouveauté ingénieuse qui frappe et réveille le spectateur. Quand les fêtes que l'on donne ne seraient pas de la grande magnificence à laquelle les particuliers ne peuvent atteindre, il faut que tout y soit exécuté par les personnes qui ont le plus de réputation dans les arts dont ils se mêlent et que le bon goût y tienne lieu de fracas et de grandes dépenses. Incidemment, ici, la relation de cette fête évoque donc les questions d'argent, les questions matérielles, alors qu'elles sont le plus souvent, je dirais, escamotées dans les représentations traditionnelles. Et donc on voit bien ici que l'auteur doute que des personnes de rang inférieur puissent atteindre à la plus grande magnificence qui en conséquence doit rester l'apanage des personnes de la plus haute extraction. Au-delà, il livre les critères du bon goût qui doit, selon lui, présider à l'organisation des fêtes, l'invention, la nouveauté, la surprise, le choix des meilleurs artistes. En résumé, la finesse et l'esprit plutôt que le tapage et les folles dépenses. Il y a là pourtant une contradiction apparente, car comment attirer les personnes, je cite, qui ont le plus de réputation dans les arts sans engager des dépenses au moins significatives. Ce commentaire du Mercure Galant nous invite donc à nous interroger sur les aspects matériels, financiers, pratiques, des patronages aristocratiques au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. La constitution d'un foyer artistique supposait, on le sait, une capacité d'attraction, de polarisation qui va bien sûr de pair avec le rang et la fortune. Et c'est un fait que l'attention s'est toujours beaucoup plus davantage focalisée sur l'art, les artistes, les œuvres, les commanditaires, que sur les conditions matérielles qui les environnent. Cela d'autant plus si on se place dans le système de cours où ces considérations sont subalternes et même méprisables. Je précise que mon propos se situera essentiellement dans le champ musical, même si quelques comparaisons plus générales pourront être convoquées. Il s'agit pour moi surtout d'évoquer quelques grandes cours princières, comme celle des princes de Condé en premier lieu, mais aussi j'évoquerai celle des ducs d'Orléans ou également la duc et la duchesse du Maine. Alors mon intention initiale était de poser trois questions. Et je me suis rendu compte à quel point toutes nos communications depuis ce matin, et encore je regrette vraiment de ne pas avoir assisté à la journée d'hier, à quel point nos communications se tuilent les unes aux autres, et avec les autres, et essentiellement aussi sur toutes les questions épistémologiques de vocabulaire, et je n'y échapperai pas. La première question, c'est donc celle très générale des dépenses liées à l'art et aux artistes. Est-ce qu'il y eut une envolée des coûts pour la période qui nous occupe? La seconde, c'est donc celle de la part de la musique dans ces dépenses. Et la troisième question que je souhaite développer davantage est celle de l'adéquation, je dirais, des conditions matérielles avec la forme et le contenu des foyers et des patronages artistiques. Alors, la réponse à la première question n'est guère aisée. Un premier élément quand même qui accrédite cette idée, c'est que nous sommes dans un temps de débat sur l'opportunité de ces dépenses. D'un côté, on a des prédicateurs, des moralistes qui ne cesse d'épingler les excès du luxe et de la vanité, incompatibles selon eux avec les vertus chrétiennes. Et à l'inverse, on a dans les premières années du XVIIIe siècle des penseurs comme Bois Guilbert ou Cantillon, par exemple, qui insistent sur la nécessité du luxe, hein, sur le plan économique. Autre élément, et depuis ce matin on en parle abondamment, c'est que l'exemple vient d'en haut. On sait très bien que la splendeur monarchique voulue par Louis XIV a été un puissant stimulant pour les courtisans, et en particulier pour les grandes maisons princières. La faveur royale et le prestige d'une cour princière, passent par la magnificence. C'est donc la somptuosité des dépenses, ça a été dit, qui marque les esprits. Et je dirais que la rivalité entre les grandes maisons princières l'alimente fortement. L'importance, et ça c'est peut-être une nouveauté qui apparaît dans les sources, c'est que l'importance des dépenses est mise en avant, hein, dans les comptes rendus, avec des données chiffrées. J'en veux pour preuve les lettres de la marquise de Sévigné. Deux exemples, évoquant une soirée donc à l'hôtel de Condé qui se tient en février 1680, elle précise, je cite, « Toute cette soirée coûte plus de 2000 louis, hein, donc 20 000 livres. » Ou encore, au sujet de la fameuse fête de Chantilly d'avril 1671, qui est marquée évidemment par le suicide de Vatel, voilà ce qu'elle dit. « Jamais il ne s'est fait tant de dépenses au triomphe des empereurs qu'il y en aura là. Rien ne coûte. On reçoit toutes les belles imaginations sans regarder à l'argent. On croit que monsieur le prince n'en sera pas quitte pour 40 000 écus, donc 200 000 livres. » Alors, je me suis penché, et c'est surtout ce cadre-là sur lequel je vais m'appuyer, je me suis penché sur les archives des princes de Condé à Chantilly, et effectivement, les registres de comptes confirment cette envolée. Hein, les dépenses somptuaires deviennent très importantes, hein, et évidemment, on peut faire le lien avec... l'évolution politique des princes de Condé tout au long du XVIIe siècle, où il s'agit avant tout de reconquérir la faveur du roi. Les grandes fêtes qui sont organisées donc entre 1670 et 1700, que ce soit par le grand Condé ou par son fils Henri-Jules, elles coûtent entre 150 000 et 300 000 livres chacune, hein, ce qui peut représenter jusqu'au tiers des dépenses annuelles. Donc, les chiffres de la marquise de Sévigné sont confirmés par l'analyse des registres de comptes. Ces envolées, je dirais, conduisent même parfois à imaginer, et je crois qu'on en a dit un mot ce matin, des formules de mutualisation de la dépense, formules qui surtout se développeront à partir de la Régence, hein, et... on verra aussi ça réapparaître aussi à la toute fin du XVIIIe siècle. C'est le cas, par exemple, de la fête qui a été aussi évoquée, donc en 1681, hein, donc, qui voit la création notamment de la pièce de la pastorale, pardon, de Lorenzani, Nicandro et Fileno, sur un livret du duc de Nevers. Voilà ce qui en est dit dans les relations véritables. Donc en février de 1681, la fête des seigneurs avec leurs associés au nombre de 18 est bien plus agréable, mais la dépense est très grande et augmente incessamment chez le duc de Nevers. L'illumination seule coûte 250 pistoles, donc à peu près 25 000 livres. 2500 livres, pardon. Un erreur de zéro de trop. J'en arrive tout de suite à la seconde question posée en préalable. Que représente la musique dans l'ensemble des dépenses inhérentes au patronage aristocratique? Il semble que globalement, pour la période qui nous intéresse, les sommes dépensées pour la musique aient été inférieures à celles dépensées pour la protection d'autres catégories d'artistes. la part de la musique ne représente que 0,5%, les paiements aux musiciens, j'entends, ne représentent que 0,5% du budget des grandes fêtes données à Chantilly, que j'évoquais entre les années 1670 et 1700, et moins de 0,1% du total des dépenses du prince de Condé pour l'année 1695. À titre de comparaison, la troupe de comédiens qui est conduite à Chantilly par Jean-Baptiste Raisin à l'automne 1679 reçoit une rétribution 10 fois supérieure à celle reçue par le groupe de musiciens qui les accompagne. Alors, autre petits exemples pour pouvoir comparer, les gages annuels de la Bruyère, qui est professeur du duc de Bourbon, s'élèvent à 1500 livres en 1685. Le graveur Adam Perel, qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment pour une vue du château de Saint-Germain, donc, qui est au service du duc de Bourbon en qualité de maître de dessin, reçoit des émoluments mensuels d'environ 42 livres. Et se voit gratifié de 500 livres pour ses planches qui présentent une vue du château de Chantilly. Et encore, là, nous sommes encore à une certaine distance des 2000 ou des 2200 livres de gratification annuelle qui sont accordés à Le Nôtre et à Ardoin Mansart, et qui, pour leur part, en plus, ne sont pas astreints à un service journalier. Donc on serait bien en peine, je dirais, de trouver, pour cette seconde moitié du XVIIe siècle, des gages de musiciens qui dépassent les 1000 livres annuels au service d'une maison princière. Alors j'en viens maintenant aux interactions donc, ce qui m'importe ici, c'est de voir les liens entre ces conditions matérielles et la forme et le contenu des patronages. Alors le premier point, c'est bien sûr... Il faut tout de suite insister sur les difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on traque la musique et les musiciens dans les fonds d'archives, en particulier pour ce qui est des registres de comptes. Les mentions sont généralement incomplètes et souvent imprécises. Les périodiques sont évidemment très allusives. Le flou des titres, des fonctions, la polyvalence ou l'absence de spécialisation des musiciens constituent aussi une difficulté supplémentaire. Par ailleurs, on a de nombreux intermédiaires qui peuvent s'ajouter et intervenir dans le paiement des musiciens, et parfois de façon inattendue. Alors, je prendrai un exemple, c'est l'installation de l'orgue dans la chapelle du château de Chantilly, chez le prince de Condé. On est donc en 1679. Pour l'occasion, les frères Raisin, Jean-Baptiste et Jacques, qui appartiennent à la troupe des comédiens employés par le grand Condé, ce sont eux qui se chargent de la livraison de l'instrument. Ils sont pour cela rétribués à hauteur de 660 livres. 4 ans plus tard, donc on est en 1683, un nouvel orgue est installé et commandé. L'instrument coûte le double de celui de 1679. On n'en connaît hélas pas les caractéristiques. Les choses ne s'arrêtent pas là, puisque le prince de Condé va s'adresser encore à Jacques Raisin à Rouen pour la livraison d'un nouvel orgue. C'est encore eux qui vont... faire appel à des facteurs d'orgue pour notamment faire accorder l'instrument en juin 1684 au moment de la venue du roi. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la venue du roi échappe aux critères habituels des fêtes, ainsi que l'a bien montré Mathieu. Autre difficulté, c'est qu'on a des décalages très importants dans le temps entre le versement effectif des gages, des gratifications et la prestation des artistes. On le sait, les grandes maisons ont toujours beaucoup de difficultés à rassembler les liquidités nécessaires pour honorer immédiatement leurs créanciers. C'est ce que Daniel Roche appelle cet état permanent d'économie différée. En outre, ces dépenses entrent dans la catégorie des menus plaisirs ou des dépenses extraordinaires. Et par conséquent, elles ne sont pas nécessairement budgétées par le trésorier des maisons princières, au même titre que les dépenses ordinaires. En conséquence, l'étalement, les dépaiements, le crédit, la multiplication des intermédiaires sont souvent des expédients habituels. Deuxième point pour la période qui nous occupe, c'est que le personnel musical entretenu de façon permanente est encore limité. Les princes de Condé n'entretiennent pas d'ensemble musical permanent dans la période qui nous intéresse. De même que le duc et la duchesse du Maine, la maison d'Orléans fait figure d'exception. Alors je vais pas détailler la structure de l'ensemble musical des Orléans. Je pense que ça a été largement évoqué hier. Je dirais simplement que le coût de l'ensemble musical en 1692, donc Maison d'Orléans, s'élève à 13 000 livres. Donc la chapelle musique, mais aussi des musiciens, la petite musique du cabinet, qui est constituée donc d'un claveciniste, d'un dessus de viol et d'un luthiste. Donc là, on est en 1692. Donc ce sont bien, troisième point, les événements extraordinaires comme les fêtes, qui durent souvent plusieurs jours, qui entraînent les plus grandes dépenses. Pour ces occasions, les maisons princières doivent mobiliser des ressources musicales beaucoup plus importantes que leurs ressources propres. Et du coup, les grandes fêtes princières vont mobiliser les bataillons importants, on l'a dit aussi ce matin, de la musique du roi, les 24 violons, les musiciens de la chambre, ou aussi les institutions parisiennes comme l'Académie royale de musique ou la Comédie italienne. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un document qui a été évoqué ce matin par Thomas Lecomte, puisque c'est une heureuse découverte que j'ai faite au musée Condé, donc à Chantilly. Au moment de... Donc, nous sommes là en juin 1698, donc c'est une quittance qui fait apparaître les paiements reçus par des musiciens qui sont musiciens de grande réputation. Antoine Forqueray, basse de viol, René Descoteaux, flûte allemande, Philbert Rébillet, dit Philbert, qui était flûtiste, oboïste et aussi joueur de musette, chanteur également, Robert de Vizet, luthiste et théorbiste, et Louis Marchand, clavecin, peut-être à l'orgue, si cérémonie religieuse il y a eu, également, je dirais, six violonistes du rang, issus de l'Académie royale de musique. Ces musiciens donc se produisent régulièrement dans les cours princières. On a eu une discussion rapide ce matin avec Catherine Cessac et elle a déjà évoqué la question de savoir si ces musiciens fonctionnaient selon une logique d'association, ce qui est tout à fait imaginable, puisque on retrouve ce format-là dans de nombreux exemples de fêtes princières. Autre point important à souligner, ce sont bien les lieux, les moments, la personnalité des invités qui façonnent complètement, je dirais, les pratiques musicales. D'ailleurs, les comptes rendus du Mercure Galant relate de plus en plus fréquemment les aspects musicaux. Les mêmes musiciens donc peuvent être présents à plusieurs moments des différentes journées de fête dans des configurations multiples. Ils servent donc à constituer, je dirais, un fond sonore permanent, mais ils vont aussi focaliser l'attention dans des moments bien individualisés. Donc, si on regarde les différentes fêtes, on va voir des pratiques qui se retrouvent. On va voir un ouvrage lyrique sur un théâtre intérieur ou un théâtre de verdure. On va voir de grands concerts de voix et d'instruments dans un lieu central, une orangerie par exemple. Des petits concerts dans des espaces périphériques. Un motet chanté dans la chapelle princière au cours d'une messe. Voilà les ingrédients qui se retrouvent d'une fête à l'autre. L'influence du cadre sur les contenus se voit aussi à la volonté des organisateurs de fondre au mieux les musiciens au décor de la fête, ou alors au contraire créer des effets de surprise pour focaliser l'attention sur eux. C'est le cas par exemple de la fête, je ne sais pas si elle a été évoquée hier, mais le marquis de Livry a été cité tout à l'heure. Fête chez le marquis de Livry en juin 1697, hein, qui reçoit le grand dauphin donc, dans sa demeure du Raincy. Voilà ce qui est dit donc, dans le Mercure. Monseigneur a mangé dans ce salon, et lorsque ce prince s'y mit à table la première fois, on fut surpris de voir un tableau au milieu et de la hauteur de ce salon se détacher et s'élever insensiblement jusqu'à la voûte d'une petite chambre qui se trouvait derrière pour laisser voir Philidor et la troupe. On entendit aussitôt un concert de flûte douce qui avait quelque chose de si agréable dans ce salon qu'il parut nouveau à ceux qui entendent souvent ces instruments. Hein. Donc là encore, hein, voilà, on a des configurations qui se retrouvent, hein, d'une fête à l'autre, des chanteurs et des chanteuses très en vue. Hein, donc les noms qui reviennent le plus souvent, c'est Mademoiselle Maupin, Mademoiselle Couperin. Les compositeurs, c'est Philidor, Colas, Campra, Matto, hein, et puis donc j'ai cité les instrumentistes tout à l'heure, et ce sont eux qui viennent signer, quittancer ces paiements, hein, et donc là pour le coup ils ont été payés assez rapidement. Dans le même ordre d'idées, l'habillement des musiciens doit aussi participer à la cohérence interne des divertissements. Hein. Ceux-ci sont fonction des thématiques choisies. Lors de cette fête, donc, chez le marquis de Livry au Raincy en juin 1697, on nous dit que les musiciens de l'opéra sont en habit de théâtre. Pour exécuter un concert. De même, à la fête qui se tient à l'hôtel de Grammont en janvier 1704, fête donnée en l'honneur du duc d'Albe, qui est l'ambassadeur d'Espagne, voilà ce qu'on nous dit, que tous les concertants étaient vêtus à l'espagnol. Même les cérémonies religieuses se prêtent à cette pratique, puisque pour la fête que j'évoquais en introduction, donc chez Malézieux à Châtenay en 1703, les musiciens qui vont exécuter le motet de Jean-Baptiste Matto sont vêtus en prêtres et prêtresses couronnés de fleurs et ornés de guirlandes. En conclusion, j'en reviens à ma question initiale. Les patronages artistiques qui s'épanouirent à la fin du règne de Louis XIV furent-ils dominés donc par la grande dépense et le fracas? Alors il faut ici rappeler les travaux de Norbert Elias sur la société de cour, et il a bien montré notamment que l'importance de la dépense et de la consommation de prestige pour les grandes maisons aristocratiques sont déterminantes, et aussi évidemment les hiérarchies qui vont les distinguer. Alors c'est particulièrement vrai pour l'acquisition et l'aménagement des résidences. Et c'est d'ailleurs les dépenses de bâtiments, hein, qui occupent les premiers postes de dépenses, ce à quoi il faut ajouter les relations de clientèle, hein, et notamment la masse des pensions, qui sont très dispendieuses. Donc en comparaison, je dirais que les investissements artistiques représentent des sommes beaucoup moins importantes, ce qui fait apparaître un très net décalage entre la réalité de ces dépenses et leur poids symbolique, qui est beaucoup plus grand dans les représentations qui en sont faites. Par conséquent, le fracas évoqué par l'auteur du Mercure Galant révèle en creux une réalité qui est bien prégnante dans les cours princières, c'est donc la visibilité maximale qu'elles veulent donner aux réjouissances et aux patronages artistiques qu'elles dispensent. Au-delà, les mots choisis ici renvoient à une distinction que perçoivent parfaitement les contemporains. D'un côté, on a des ordonnateurs fastueux de réjouissances festives qui sont avant tout préoccupés d'eux-mêmes. De l'autre, on célèbre des mécènes avisés, au coup sûr et original, et donc qui, eux, réellement préside à l'éclosion de foyers artistiques réellement rayonnants. Je crois que là, dans ce distinguo, on a peut-être un critère important pour alimenter cette discussion sur la définition de ce qu'est un foyer artistique. Je vous remercie.